Seigneur, que tout en moi t'appartienne. Je m'en fous totalement, que tout en moi t'appartienne. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre à moi-même. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre à moi-même. Oh, je me donne à toi. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Seigneur, que tout en moi t'appartienne. Je m'en fous totalement, que tout en moi t'appartienne. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre à moi-même. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre à moi-même. Je m'offre à toi telle une mélodie mélancolique pour toucher ton cœur. Je m'offre à toi telle une œuvre d'art faite de tes propres mains. Je m'offre à toi comme un parfum pour rendre meilleur nos moments d'intimité. Je me donne à toi. Je m'offre à toi telle une mélodie mélancolique pour toucher ton cœur. Je m'offre à toi telle une œuvre d'art faite de tes propres mains. Je m'offre à toi comme un parfum pour rendre meilleur nos moments d'intimité. Oh, oh, oh, oh, oh. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Oh, oh, oh, oh, oh. Nami Pessi. Nami Pessi. Yahweh. Nami Pessi. Oh, oh, oh, oh, oh. Yahweh. Nami Pessi. Sonanga ya yo na mi pesi mobimba maloba pamba ekokite na mi pesi nga mokolo kola nzembo asepelisa motema na yo na koma œuvre d'art salami na maboko na yo na koma malasi ya motu ya pona kotana na yo na mi pesi yawe. Na mi pesi, oh, ya, na mi pesi, oh, ya, na mi pesi.